Salut à tous, bienvenue pour la 15e de l'émission Top 2. On est ravis de vous retrouver en cette fin d'année. Ça y est, on arrive tout doucement vers la période des fêtes. On espère déjà qu'elle se passe pour le mieux, cette période, pour vous. En tout cas, nous, aujourd'hui, on est là pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette saison 2025 et aussi se projeter sur l'avenir, puisqu'on parlera bien évidemment du Dakar 2026. Et on aura également Eric Camilli qui sera présent dans l'émission pour nous raconter un petit peu ce qu'il va faire l'an prochain en double WRC 2. À mes côtés aujourd'hui, Valentin Glot et Mathieu Chambenois. Bonjour messieurs. Salut Michael. Salut Michael. Voilà, on espère. Et salut Mathieu. Oui, bien sûr. Comment ça va? Ça va très bien. Non, faites votre émission et puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on fera des Et toi Michael, comment ça va? Ça va très bien. On arrive en fin de saison, ça y est, il est temps donc de faire un petit coup dans le rétro maintenant, histoire de revoir ce qui s'est passé cette année. On va vous faire un petit retour, allez, chronologique, c'est parti. On vous a sélectionné 15 moments dans cette saison 2025, et d'ailleurs, vous allez pouvoir nous dire dans la question hebdo d'aujourd'hui à partir de 20h sur autohebdo.fr, lequel est votre préféré, tout simplement, quel a été votre moment de la saison. Alors vous verrez évidemment, comme tous les tops, comme tous les choix, c'est très subjectif. Si vous en avez pensé à d'autres, évidemment, n'hésitez pas, dites-nous dans les commentaires, et on lira ça évidemment avec grand intérêt. Le premier moment fort, on part en janvier, hein, ça nous semble être il y a une éternité maintenant, mais c'est il y a presque un an du coup. C'est ça, il y a presque un an. C'est autant vous dire que l'avantage, c'est qu'on va parler du Dakar, et en fait, le Dakar, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est l'an dernier, puisque le Dakar 2026 arrive dans quelques jours à peine maintenant, mais c'était évidemment la victoire de Yazid Al-Raji, parce qu'un pilote saoudien qui s'impose en Arabie Saoudite, ça a quand même été assez impressionnant. Et puis Yazid Al-Raji, c'est un peu un pilote quand même où on a plutôt l'habitude de le voir sur le toit, casser des suspensions, voilà, bon, c'est un petit peu... C'est le cas. Donc t'es en train de me dire que le fait qu'il finisse le Dakar sur ses 4 roues, c'était déjà un miracle. Voilà, et donc le gagner, c'était encore mieux. Encore parce plus, qu'on, ok. On sait qu'il est très rapide, Yazid Al-Raji, maintenant, et c'est d'ailleurs Jean-Marc Fortin aussi qui l'a dit, le patron d'Overdrive, parfois, il y a ce petit côté un peu dilettant, tout ce côté où on ne sait pas trop jauger le niveau d'attaque, et là, il l'a fait absolument parfaitement, une bagarre avec son équipier, avec Lategan pendant tout le rallye. Et finalement, la victoire de Yazid Al-Raji, un grand moment à vivre quand même. Ça, c'était quand même très, très sympa. Et pour l'anecdote... Hein, tu étais sur place, toi, mec. Voilà, j'y étais effectivement. Et on en reparlera tout à l'heure, puisque vous verrez qu'on y retourne au Dakar en 2026. Mais pour l'anecdote, ce qui était très drôle, c'est qu'à la fin du Dakar, j'avais pris un Uber notamment pour aller à mon hôtel à Riyad. Et tu disais Yazid Al-Raji à n'importe qui, c'était la fête. Enfin, vraiment, ça a eu un retentissement dans le pays qui était quand même assez, assez incroyable. Et nous, forcément, en tant que Français, ça nous a peut-être pas paru si fou. Mais bah, disons qu'on aurait préféré que Sébastien Loeb gagne. C'est sûr, évidemment, en tant que bon chauvin que nous sommes. Mais le retentissement pour le rallye raid dans cette région et pour cette région au niveau du sport automobile, c'était quand même assez, assez important. Valentin, toi, je vais me tourner vers toi parce qu'en janvier, toi aussi, tu étais. Tu es déjà tourné vers moi, mais. C'est vrai que finalement, je suis toujours tourné vers mais toi. Mais pas de soucis. C'est un peu normal, tu es un peu mon soleil, Valentin. Oula. Rien que ça, si je veux dire. Ça va, Mathieu, sinon tout va bien. Je vous laisse faire, il n'y a pas de problème. Après, les plus perspicaces ont remarqué que je suis aussi tourné vers Mathieu, finalement, puisqu'ils sont tous les deux présents sur le même canapé. Mais toi, tu étais présent à Daytona, oui, aussi en janvier. Tout à fait. Une victoire de Porsche, oui, deuxième victoire de Porsche au 24 heures de Daytona. Encore avec Nick Tandy, Felipe Nasser, accompagné par Lawrence Venter. Une victoire qui s'est dessinée, bon, comme souvent à Daytona, dans la dernière heure de course, dans un duel entre les deux Porsche, puisque la BMW de Dries Van Thor, qui pouvait prétendre à la victoire et qui était partie de la pole position, a malheureusement connu un petit souci en fin de course qui l'a éjecté de la course à la victoire et du podium. Et du coup, une belle bataille entre les deux Porsche qui a tourné à l'avantage de l'Anglais, du Brésilien et du Belge, même si finalement, à la fin de la saison, c'est Mathieu Jaminet et Matt Campbell, leurs coéquipiers et rivaux, qui ont décroché le titre. Ça faisait très début de blague quand tu disais les nationalités des trois pilotes. C'était assez... Un Anglais, un Brésilien et un Belge sont sur un bateau. Voilà. En tout cas, ça n'a pas été une blague pour les concurrents aussi, parce que du coup, les adversaires de Porsche, ils étaient un petit peu loin. Oui, et puis quand on sait ce qui s'est passé en fin de saison, alors qu'on sait ce qui s'est passé sur la saison de Wake avec une seule victoire, malheureusement, pour Porsche, et finalement, le retrait... En fin de saison du championnat du monde d'endurance, cette deuxième victoire de rang à Daytona est avec le recul assez symbolique, et Porsche visera le triplé dans environ un mois à Daytona. Ça, on va en parler parce qu'il y a plusieurs événements qui reviennent, et en l'occurrence Porsche, en endurance, en tout cas, a fait une saison assez formidable. C'est vrai que symboliquement, pour sa dernière... Surtout en IMSA. Surtout en IMSA, c'est vrai qu'au niveau américain... Voilà, symboliquement, ce passage de flambeau, un petit peu pour l'année prochaine notamment, va être très important. En janvier aussi, parce que c'était un mois quand même assez dense, on a l'impression toujours que c'est le mois d'intersaison, machin, mais pas du tout. Dakar, Daytona, Monte Carlo, effectivement. Le trio magique, en général, sur cette saison. Et là, Sébastien Ogier, qui a été magique aussi sur ce rallye Monte Carlo. 10e victoire pour Sébastien Ogier, recordman évidemment absolu du nombre de victoires sur ce rallye, un rallye qu'il a encore une fois en plus mené de main de maître, et c'est il en parlait d'ailleurs dans l'émission qu'on vous propose évidemment, hein, n'hésitez pas à aller voir l'émission avec Sébastien Ogier qu'on vous a publié samedi, mais il le dit, en fait c'est toujours assez difficile pour lui parce que c'est un rallye très compliqué, mais on a toujours l'impression qu'au début on se dit bon, de toute façon Ogier va le gagner, c'est facile, alors que non, il faut quand même aller le faire, hein, parce que le Monte Carlo avec la neige parfois, avec le gel, avec les conditions de nuit aussi, les programmes spéciaux et tout, c'est jamais simple. Et là, encore une fois, une partition quasiment parfaite. C'est un rallye au cours duquel, pardon, excuse-moi, mais il a gagné effectivement 6 spéciales, et comme il le disait justement dans votre interview, s'il ne devait gagner qu'un seul rallye dans l'année, en tout cas c'est à chaque fois ce qu'il dit, ce serait celui-là. C'est ça. En même temps, c'est chez lui. C'est chez lui, c'est un gars, on rappelle. Lui, le gars pensé. Voilà, c'est littéralement chez lui pour le coup. C'est vrai qu'il commence toujours super bien cette saison avec ça. Et encore une fois, cette année, il a déroulé et ça permettait d'entrevoir un petit peu ce qu'on allait voir de lui cette saison. Alors, un dont on aurait bien aimé que sa victoire laisse entrevoir quelque chose, mon cher Mathieu, c'est Lewis Hamilton. Parce que, je tiens à le rappeler, ça s'est peut-être passé inaperçu, mais il a gagné une course avec Ferrari cette année. Et, mine de rien, la seule, effectivement, pour la voilà. Scuderia cette saison. Donc c'est vrai que, bon, on a choisi de le mettre, on verra, hein, parce que le choix en F1 est difficile, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être citées. Mais c'est vrai que cette victoire en sprint, elle était en tout cas promise à être fondatrice, si on peut dire. Il avait fait la pole la veille, du coup, pole de la quali sprint, effectivement, devant les McLaren. C'était une surprise, mais c'était le premier moment fort au tout début de la saison. Il gagne, effectivement, le sprint sans être inquiété à ce moment-là, avec un rythme qu'on lui connaît. Et puis, pour moi, c'est un élément fondateur malgré tout, malheureusement pour lui et pour Ferrari dans le mauvais sens du terme, puisque cette victoire, elle a un petit peu caché la forêt. C'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt, justement, parce que le lendemain, eh bien, évidemment, c'est cette double disqualification qui ensuite va mener à un changement structurel pour Ferrari. Donc c'est vrai que c'est un week-end un peu aigre-doux pour eux, mais comme tu le disais très justement, c'est la seule victoire de Ferrari, et puis victoire en sprint de Lewis Hamilton cette saison. Donc premier moment fort, et en tout cas à l'époque, c'est vrai que quand on se situe dans le contexte, il y avait beaucoup d'espoir de la part des tifosi à cet instant. Et tu parles d'espoir, c'est peut-être justement la lueur d'espoir que les tifosi, Lewis Hamilton et la Scuderia peuvent un peu s'accrocher pour 2026, c'est que malgré une saison très compliquée et surtout la fin de saison très compliquée de Lewis Hamilton, il a montré l'espace d'une course, l'espace d'un demi-week-end, voilà, merci, que sa magie pouvait encore opérer. Maintenant, il faut espérer pour Ferrari, sans nous faire de favoritisme, mais pour eux, que cette magie puisse faire effet sur une saison complète avec une voiture performante. Clairement, clairement. Alors après, le mois de mai, écoutez, Johann Zarco, hein, à un moment donné, on est obligé de citer la victoire. Et puis ça, c'est, oui, voilà, ça c'est pour toi. On était dans le box, on a fait tout ce qu'il fallait là, avec Johann Zarco. Vous avez pu le lire dans Auto Hebdo également, ce format, ce long format dans les coulisses vraiment de cette victoire au Grand Prix de France. Victoire qui, en plus, alors déjà, était inattendue, donc ça décuple en plus le sentiment qu'on avait très clairement. Maintenant, je remarque un truc quand même, ça fait beaucoup de fois où on dit qu'on y était, hein, c'est Auto-Hebdo, et Auto-Hebdo est quand même pas mal, hein, sur le terrain. Hein, Vivement 2026. Vivement 2026, très clairement, ça va arriver très vite. Mais cette victoire de Johann Zarco, voilà, c'était en plus, elle faisait suite à la pole position de Fabio Quartararo. Oui, parce que de base, on s'attend plus potentiellement une victoire de Quartararo qu'à une victoire de Zarco. C'est ça, et quand Fabio tombe au début de course, bah, c'est la déception ultime. On se dit, bon bah voilà... Ça va être Marquez. Encore une année de plus sans victoire française au Grand Prix de France, ma foi. Voilà. Moi, j'ai une anecdote à raconter là-dessus, parce que je rentrais décideur de Spa en WEC, et je suis, je prends le RER à l'aéroport Charles de Gaulle pour raconter. On me dit, mais c'est Zarco qui a gagné le Grand Prix de France. Et je me dis, Zarco, mais comment a-t-il pu gagner? Parce que, aussi, rappelons que tout peut finir au premier virage pour Zarco. Il se fait découper au premier virage, quand même. Il se fait complètement découper, il ressort de la première chicane complètement dernier. De la chicane Dunlop encore à ce moment-là, je tiens à le dire. Oui, oui. Nous sommes dans l'actu. RIP. La passerelle Dunlop. RIP, la passerelle Dunlop, puisque à partir de 2026, il fera l'appeler la passerelle Goodyear. Et je pense qu'on va avoir du mal. Je pense qu'on va l'appeler Dunlop encore un petit moment. Moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai une pensée pour les personnes qui vont venir pour la première fois aux 24 heures du Mans cette année, ou à d'autres événements d'ailleurs sur le circuit. 2026, 24 heures du Mans. L'année prochaine, tout à fait. Vous voyez, c'est ça qui. Voilà. on est déjà en Focus 2026. Mais imaginez, c'est la première fois que vous allez sur le circuit et là, vous avez des habitués qui vous disent non, on se retrouve à la Dunlop. Je ne sais pas où elle est, la Dunlop. Moi, je vois, c'est marqué Goodyear, en gros. C'est compliqué. Les gens peuvent être perdus. Comme on va continuer d'appeler le critère du Dauphiné. Hein. Exactement, alors que depuis, il a pris un nom encore. Non, il a changé de nom l'an prochain. Mais justement, il change de nom l'an prochain. Ouais. Il s'appelle comment maintenant? Je ne sais plus. C'est ça, hein. Il s'appellera toujours Critère du Dauphiné, vous n'en faites pas. C'était une parenthèse cycliste, pour ceux qui n'avaient pas suivi, notamment Mathieu. Mais pour revenir sur deux roues, justement, avec un moteur, Johann Zarco, donc voilà. Alors après, les mauvaises langues diront que ce serait quand même deux roues sur un moteur en vélo. Voilà, certains ont peut-être des moteurs dans d'autres disciplines. Non, mais voilà, en fait, ce qui était. T'avais ce côté incrédule quand tu l'apprends. Alors en plus, si on te dit qu'il gagne avec 20 secondes d'avance sur Marc Marquez, donc là, c'est. Voilà, ah oui, parce qu'on est revenu sur Zarco, on n'est pas sur la passerelle d'un autre. Non, on est revenu sur Zarco, vous en faites pas. Mais même sur place, en fait, on a donc le Grand Prix qui démarre. Alors avec quelques gouttes de pluie, certains s'arrêtent, d'autres pas. On est un peu perdu. Puis à un moment, on regarde le classement, on voit les premiers en pneus slick et tout, et on voit qu'il commence à bien pleuvoir. Puis on regarde, mais qui est le premier en pneus pluie? On se dit, peut-être que là, il y a quelqu'un qui fait un coup. Puis on voit Johann Zarco, on fait non. Puis avec beaucoup de secondes d'avance. Et avec beaucoup d'avance. Et là, bon, bah après, ça a été c'est un vrai moment. Qu'il avait une grosse avance. Et surtout, il l'a construit, parce que Marc Marquez, il l'a dit, il avait essayé d'aller le rattraper et d'aller combler cette écart. Il a fait deux tours, il a fait ok, j'ai compris, pas, merci, il n'y a pas de souci, il va le gagner chez lui. Symboliquement, c'était pas le seul Grand Prix auquel assistaient ses parents. Si, ses parents n'étaient jamais venus le voir sur une course. Ils sont venus et voilà, Johann Zarco les avait un peu tannés pour y aller. Et puis bah voilà. Et autre symbole, cette fois, Johann Zarco avait le droit à sa Marseillaise. Parce que quand il gagne à Phillip Island, il y avait eu un quoi qui n'avait pas eu la Marseillaise. Voilà. Et là, finalement, la Marseillaise au Grand Prix de France, et c'était magnifique. Voilà. Là, c'était un grand moment vraiment de cette saison. Et puis après, bon, bah, écoutez, l'Indy 500 aussi au mois de mai, c'est toujours un grand moment. Bah, ça, c'est pour toi aussi. Ça. Écoutez, c'est oui, pour toi, la victoire d'Alex Palou. Voilà. Je n'y étais pas, hein, mais c'est pour moi quand même. C'est, ça qui est c'est pour toi quand même. Toi, notre spécialiste, voilà. IndyCar. Alex Palou qui était déjà parti pour une saison mémorable à ce moment-là. Il rajoute en plus une victoire au 500 d'Indianapolis. Et puis elle est forte quand même parce que il avait perdu en 2021 face à Elio Castroneves. C'était la jeunesse face à l'expérience, il l'avait dit. J'ai manqué d'expérience, je savais pas comment gérer tout ça. Et là, il a fait un dépassement sur Marcus Ericsson, plein d'expérience justement, il a vu le bon moment, il a su ce qu'il fallait faire, il a tiré avantage de ce qui s'était passé en 2021. Et puis il a un peu sauvé l'Indy 500 ce jour-là parce que je vous assure que si Marcus Ericsson avait gagné la course avec une voiture illégale, ça aurait été compliqué à justifier derrière, donc ça va. Il a été disqualifié, on rappelle. Ce qui est bien, c'est que ça répare une anomalie. Que le meilleur pilote d'IndyCar ces dernières années gagne enfin la course majeure du championnat. Et c'est d'ailleurs la première fois depuis 15 ans qu'un pilote gagne l'Indy 500 et le championnat la même saison. Ce qui veut quand même montrer que voilà, Alex Palou a vraiment dominé cette année. Et, c'était largement mérité pour lui. Et j'ai eu un petit peu de baume au cœur à le voir faire une tournée médiatique en Espagne, parce qu'il avait dit, après sa victoire, il a dit, oh, vous savez, en Espagne, de toute façon, tout le monde s'en fout. Oui. Tout le monde en a pour Fernando Alonso. Bah non, il a eu sa belle tournée médiatique avec son trophée. Voilà. Oui, j'ai un confrère espagnol qui me dit souvent que malheureusement, Alex Palou n'est pas assez reconnu dans son pays. C'est dommage. Et il l'avait dit, dès 2020, son premier Indy 500, il se qualifie pas loin du top 12, ou peut-être même dans le top 12, loin devant Fernando Alonso. Et il l'a dit, bah, de toute façon, oui, bah, super, mais en Espagne, personne ne parle de moi. Et c'est vrai que tu allais sur tous les sites espagnols, il y avait Fernando Alonso, il est 20e quand même pour l'Indy 500, c'est pas mal. C'est quand même dommage qu'Alex Palou ait pas sa place en F1 quand même. Sa chance en F1. C'est vrai que cette année, c'est quand même fort, parce que je crois que c'est la première fois qu'il y a eu cette forme d'unanimité là autour de ce titre, où il a vraiment écrasé l'IndyCar, et donc voilà, il n'y avait pas vraiment de doute sur la question. Et c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs dans la saison comme quoi il y avait eu des liens, mais lui avait réitéré que ça ne l'intéressait pas. Ouais. Donc, voilà. Il pense que c'est trop tard maintenant, effectivement, le train est passé, et il n'a pas décidé de le prendre. Après, il y avait le train, c'était surtout McLaren, mais qui décide finalement de prendre Piastri à sa place. Après, il y a eu les rumeurs AlphaTauri, Racing Bulls. Mais voilà, après, bon, il y a toute l'histoire du procès avec McLaren qu'on va pas développer ici. On va continuer, Valentin, avec les 24 heures du Mans. Là, on y était. Là, Autoendo, on y était sûr et certain. Aucun doute. Et la victoire, la troisième de rang de Ferrari aux 24 heures du Mans, cette fois avec la troisième voiture. Une troisième voiture différente en 3 ans, quand même, c'est quand même assez exceptionnel. Après la 51, après la 50, c'est la 83 qui gagne cette année. Donc la F-Corse est cliente, victoire d'une voiture privée, emmenée par un extraordinaire Robert Kubica, associé à Yves Fayet et Phil Hansen. Au terme d'une course, on va pas se mentir, un peu soporifique. Hein. Un peu longuette, peut-être. Hein. lors de laquelle, pardon, les Ferrari n'ont eu quasiment aucun adversaire en dehors de la Porsche numéro 6 emmenée par un extraordinaire là aussi Kevin Estre, la Porsche qui était en plus partie dernière de la catégorie hypercar après une disqualification, et donc la Porsche numéro 6 qui a rapidement remonté la concurrence, qui a été à peu près la seule voiture à potentiellement poser problème aux Ferrari. D'ailleurs elle s'intercale entre les Ferrari puisqu'elle termine deuxième. Après, la victoire aurait probablement dû revenir à la Ferrari numéro 51 sans l'erreur d'Alessandro Piergoudi en rentrant dans la voie descendante qui part en tête à queue, ce qui offre la victoire à la 83, mais c'est une victoire méritée pour cette voiture avec un superbe équipage. Ah, d'autant plus qu'ils avaient mené très longtemps l'année d'avant et qu'ils ont eu un problème lors de leur dernier arrêt. Exactement. Robert Kubica qui en parlait justement à Cyprien dans son interview. Que l'on peut d'ailleurs retrouver sur la chaîne YouTube. Décidément, ils passent tous en interview. Non, mais alors, ce qui est très bien, c'est que si vous ne savez pas quoi faire pour animer les fêtes, il y a tout ce qu'il faut sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo. Là, vous avez plein d'interviews. Et c'est pas fini. Et c'est pas terminé, exactement. Quel art du teasing, Valentin Glossier. On y revient. Non, mais c'est vrai que. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, on a la chance d'avoir beaucoup de pilotes qui s'expriment et qui reviennent sur leur saison notamment. Et Robert Kubica, donc, qui a parlé à Cyprien, et en l'occurrence, oui, il parlait de ça, du fait qu'il avait eu moins de réussite sur les dernières éditions des 24 heures du Mans, donc c'est aussi une belle récompense d'être un peu le porte-étendard de cette victoire cette année, donc c'est très joli. Oui, moins de réussite, c'est presque un pléonasme, puisque rappelons que Robert Kubica était en 2021 dans la WRT en LMP2, qui est en tête en entamant le dernier tour, qui va gagner, et qui, avec Ifeyé d'ailleurs, les deux étaient la même voiture, le troisième même étant Louis Deletras, qui a aussi gagné le Mans Stanier en LMP2 Pro-Am, avec Kao Baitef. Et donc cette LMP2, cette Oreca de WRT, qui tombe en panne en termes de dernier tour, sous la passerelle Dunlop, bien sûr, à ce moment-là. On y revient, cette fameuse passerelle. Et donc, oui, c'est une belle revanche, et on revient un peu sur le symbolisme. C'est bien aussi que ce soit cette voiture qui gagne, puisque avant cette saison, la F-Corsa 83 était la seule Ferrari qui s'était imposée en dehors des 24 heures du Mans. C'est vrai. Qui avait gagné à Austin l'année dernière. Tout à fait. Donc voilà. C'est un. La boucle est un peu bouclée. La boucle est un peu bouclée. C'est bien que ce soit un peu la 83 qui gagne pour une fois. Dans les moments inattendus, on a parlé un petit peu de Johann Zarco qui était inattendu, Nico Hülkenberg qui monte enfin sur un podium en Formule 1, ça c'était inattendu. Et oui, il a attendu 15 ans, plus de 200 Grands Prix dans sa carrière avant de monter sur son premier podium en Formule 1. Et puis quel podium, parce que franchement il est parti de très loin, on rappelle qu'il s'était très mal qualifié la veille. C'est une course quand même, à chaque fois Silverstone nous réserve des surprises, ou en tout cas du spectacle. Après la victoire d'Hamilton l'année dernière, et là ça a été le podium d'Hülkenberg, c'était vraiment le grand moment. En plus il termine devant Lewis Hamilton symboliquement, il casse un petit peu la série du Britannique. Et puis surtout, voilà, ça a été un grand moment d'émotion. Je pense que malgré la victoire de Norris, qui était quand même mine de rien sa première encore une fois à Silverstone, la lumière était naturellement sur Nico Hülkenberg. Je pense qu'on peut parler d'un des exploits de la saison, si ce n'est l'exploit de la saison, en tout cas à mon sens. Ah, surtout avec une Sauber. Voilà, en termes d'exploit, moi je me mets top 1 en tout cas de la saison de F1. C'était vraiment énorme, et surtout on a senti une émotion qui était assez unanime dans le milieu du sport auto. Ça a dépassé un petit peu le cadre de la Formule 1, ça a dépassé le cadre du championnat, alors que pourtant il était quand même très élevé encore le niveau à ce moment-là, très intense. Donc non, ça a été un moment très fort, et je pense que tout le monde a été ravi pour lui. Ça a été une case qui a été cochée. Après, malheureusement, la suite de sa saison a été en demi-teinte. Mais en tout cas, à ce moment-là, il était vraiment très fort et très émotif pour lui. Je t'oppose ce qui pourrait être aussi un des exploits de la saison, Isaac Hadjar, quand même, podium à Zandvoort. Alors évidemment, on peut dire qu'il monte sur le podium grâce à la casse de Lando Norris. Oui, mais on peut dire que Hülkenberg monte aussi sur le podium grâce à la pluie, etc. Exactement, etc. Et puis, il le fait. Donc, et puis à un moment donné, il faut être là. Même si Norris n'est pas là, il est quatrième, Isaac Hadjar, avec une Racing Bull, ce qui est quand même déjà une superbe performance. Et ça faisait vraiment plaisir de le voir déjà réussir à concrétiser ce potentiel, parce que Isaac Hadjar, on sait qu'on mise beaucoup aussi sur lui chez Red Bull, et il va d'ailleurs aller dans l'équipe principale pour 2026, et c'était une super récompense pour une saison qui était vraiment bonne, on peut le dire quand même, de la part d'Isaac Hadjar, qui a très mal commencé certes avec ce Grand Prix d'Australie, mais qui ensuite a vraiment déroulé et a pris la mesure de Liam Lawson, et en plus a réussi à monter sur un podium. C'était quand même très très très fort, plus jeune français à monter sur un podium en Formule 1. Puis de toute façon il est derrière Valentin et Mathieu, à un moment donné c'est que c'était quand même un exploit de toute façon. Allez, on va rester dans les exploits français, Valentin, parce que juste après Zandvoort en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas pas me dire que tu y étais quand même. Bah si, c'est fou, c'est au pied du Mont Fuji, Alpine qui s'impose. Ça c'était beau. Qui décroche sa première victoire, alors pas sa première victoire en catégorie hypercar, s'il vous plaît, mais sa première victoire avec sa LMDH. Voilà. Et une magnifique victoire acquise par Paul Louchatin, Charles Milesi et Ferdinand Hasburg. Là encore, forcément, l'effet de course ont permis à Alpine d'aller s'imposer. D'ailleurs, ils s'imposent devant Peugeot. C'était un duel français pour la victoire, puisque longtemps, la victoire a semblé promise à Peugeot. C'est vrai. Et c'est finalement Alpine qui la décroche. Un coup stratégique. Hein, grâce à, voilà. Alors déjà, il y a la safety car qui remet l'Alpine dans le jeu, parce que c'était quand même mal engagé après un accrochage entre Ferdinand Hasburg et Sébastien Buemi dans le premier tour. En tout cas, dans les tout premiers tours de course. Donc, c'était mal engagé. Mais une bonne safety car, au bon moment, a remis l'Alpine en très bonne position. Et à partir de là, le pari stratégique était de garder les pneus neufs pour la fin de course. Et en fin de course, avec les pneus neufs, Charles Milesi, est allé chercher la Peugeot de tête. Et donc, a offert une magnifique victoire aux troupes de Philippe Sino. Et une victoire en... Ouais, encore une fois symbolique, décidément je suis dans le symbolisme aujourd'hui. Puisque avec le recul, et on avait déjà compris à l'époque, notamment par son discours à notre micro à la fin de la course, que c'était une des dernières courses de Paul Louchatin avec Alpine. Et c'est une belle victoire parce que c'est un trio d'amis qui s'impose. Donc c'était très émouvant, notamment en conférence de presse après la course. On a vu Ferdinand Hasburg qui avait du mal, après une saison compliquée, qui avait du mal à retenir ses émotions. Charles Milesi s'est longtemps épanché lui à notre micro sur ce que cela symbolisait, et on a eu également parlé avec Bruno Famin, avec Philippe Sino. Belle réussite d'ensemble, une belle réussite pour ce projet qui progresse bien depuis 2 ans maintenant. L'objectif, ça sera de gagner les 24 heures du Mans, pourquoi pas dès l'année prochaine. Ouais, 3 podiums cette année, c'est ça, trois podiums parce que oui, effectivement, ça, cette victoire confirme la montée en puissance de l'équipe avec des podiums. Alors, acquise par le numéro 36 en début de saison, à Imola et à Spa, avec Frédéric Makowiecki, Jules Gounon et Mick Schumacher. Et bon, c'est bien aussi que le gâteau soit un peu partagé, que ce soit la 35 qui gagne du coup à Fuji. Alpine qui a fait quand même dans l'ensemble une grosse saison, une saison bien solide. Bon, il y a eu, on va dire, un peu le couac des 24 heures du Mans, ça s'est pas super bien passé. Bon, mieux que l'année dernière, de toute façon. C'était compliqué de faire pire, malheureusement. Après un double abandon au bout de 6 heures. Là, oui, la course du Mans a été plus compliquée. C'est pour l'instant un peu ce qui manque encore, on va dire, au projet Alpine, au programme Alpine en WEC. C'est, avec cette voiture, un résultat majeur aux 24 heures du Mans, et on espère que ce sera le cas un jour prochain. Sous la passerelle. Arrêtez les passerelles, moi j'en peux plus. Hein. Et mon cher Michael, au Japon, le même week-end, sur un autre circuit, à Motegi, qu'est-ce qui s'est passé? Le titre mondial de Marc Marquez, ça c'est quand même formidable. Nos amis japonais ont été gâtés ce jour-là en termes de grands moments. Marc Marquez, c'est symbolique. Moi aussi, je vais être un petit peu dans le symbolisme, mon cher Valentin, parce que, évidemment, alors Marc Marquez s'impose au guidon d'une Ducati, mais il s'impose au Japon, sur les terres de Honda, sur le circuit de Honda, avec qui il a évidemment connu une extraordinaire carrière en MotoGP. Ça s'est pas très bien terminé, et ça lui a permis d'avoir cette renaissance, et ce titre mondial qui n'a pas vraiment fait... Allez, on n'était pas très inquiet, on va dire, sur le titre de Marc Marquez. Hein, On a compris au bout de deux courses qu'il allait être champion. Quoi, voilà, alors certes, à un moment, son frère Alex était en tête du championnat, mais on s'est dit non, mais c'est qu'une question de temps. À quel moment on a cru qu'Alex allait battre Marc? Même lui, je pense. Qu'à aucun moment, il se disait, c'était pas très important. Non, mais Marc Marquez le disait en début de saison, en fait, celui qui pouvait battre Marc Marquez, c'était lui-même. Oui. Et il s'est battu lui-même. Oui, parce qu'il finit pas la saison, c'est ça. Voilà. Et en plus, il termine pas la saison après un accrochage avec Marco Bezzecchi. Mais ce titre, voilà, c'est le 9e titre. Au global, nous, on va encore compter les titres Moto 2, Moto 3, 125, tout ce que vous voulez. Contrairement à ce que Dorna veut nous faire croire. Exactement, ce sont encore des titres mondiaux. Et non, franchement, Marc Marquez, c'est le point d'exclamation à une saison qui était quasiment parfaite pour lui. Mon cher Valentin, on va retourner encore sur un exploit français. On aime bien les exploits français quand même cette année. Il y en a eu pas mal. Décidément. Oui, Mathieu Jaminet, champion IMSA avec Porsche. Alors, l'instar de Paul Louchatin. C'est symbolique. C'était la dernière. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les deux partent chez le même constructeur désormais, en plus. Et c'est encore plus marrant, parce qu'ils sont dans la même voiture l'an prochain, ouais. Donc, c'était aussi la dernière à plein temps pour l'instant de Mathieu Jaminet en IMSA, un championnat qu'il adore, dans lequel il a longtemps brillé. Et donc, Mathieu Jaminet qui avait gagné les 24 heures d'Italie en 2022 en GTLM après un duel incroyable. Face à Lawrence Hunter sur les deux Porsche. Donc à l'époque, Mathieu était sur la Porsche à livrée tartante de Pfaff Motorsport. Et à l'époque, il était associé à qui? Matt Campbell, son ami, avec qui il a décroché le titre cette année en IMSA. Et c'est, là encore, c'est bien que le titre revienne à Mathieu Jaminet et à Matt Campbell. Les honneurs chez Porsche sont un peu partagés, puisque Voilà, Daytona qui tombe deux fois du côté de Felipe Nasr et Nick Tandy, ainsi que le titre IMSA de l'année dernière, de 2024. Et puis pour Mathieu Jaminet, c'est une belle manière de terminer l'aventure avec Porsche avant, donc on l'a dit, de partir chez Genesis en WEC. Exactement, on continue avec les exploits français. Bon là, c'est sur le championnat de France des rallyes, mais il faut quand même aller le faire. On salue le sixième titre de champion de France de Johan Bonato. C'est quand même pas mal du tout, après une belle bagarre aussi avec Eric Camilli qu'on entendra dans quelques instants. Les deux hommes forts du rallye France finalement. C'est ça, et en fait ce qui était très bien, et c'est ce que nous disait aussi Johan Bonato à notre micro, c'est formidable de voir que pendant toute une saison, on a deux équipages qui ont été au sommet de leur art. Il n'y a pas eu vraiment d'erreur d'un côté comme de l'autre. Ça s'est battu, ça s'est rendu coup pour coup. Et on l'a vu aussi au Rallye du Var, à la finale de la saison. Ça s'est joué pour quelques secondes et c'était un très très beau duel entre les deux. Et comme on le dit souvent, pour avoir un beau champion, il faut un beau deuxième parfois aussi. Et ça a permis à cette édition 2025 du championnat de France des rallyes d'être vraiment bien un très grand cru. Remporté donc pour la sixième fois par Johan Bonato. Mathieu, je me tourne vers toi et Valentin se tourne vers toi également. Mathieu, c'est vraiment que t'as pas entendu. Reprends la main. Ouais, mais il s'est dit, il va terminer avec deux moments forts. Et encore deux exploits français. C'est fou, c'est formidable ça. Pas mal, non? C'est français. On pourrait se dire qu'on a été chauvin, mais là, factuellement, ce sont deux titres. Donc, je vais vous parler. Donc, deux titres en plus à l'international. Donc, quand même, c'est quelque chose. Le premier, évidemment. Alors, les deux se passent à un week-end d'intervalle. Pour le coup, tout à l'heure, Motegi et Fuji, c'était le. Toi, t'as pas beaucoup dormi ces deux week-ends-là. C'était effectivement un enchaînement un peu compliqué. Voilà, disons-le. Mais ça valait le coup, puisque la première fois, je me suis levé pour voir tout simplement la victoire de Théophile Nel. Qui est passé dans l'émission. Qui sera bientôt sur YouTube. Et que vous verrez certainement en janvier. C'est ça. Voilà. On fêtera 2026 avec Théophile Nel. C'est pas mal quand même. Donc, ça va être une bonne manière de commencer l'année. En tout cas, Théophile Nel, effectivement, qui a été le premier Français depuis 2004 à remporter Macao. C'était une super course. Évidemment, on en a parlé. Il nous en a parlé sur les réseaux d'Auto Hebdo cette saison. Évidemment, le double dépassement dans le dernier tour, justement. Sur Marie Boya et Enzo Delini. C'était une belle victoire, c'est une victoire construite. C'est un pilote de Formule 3 qui a relevé le défi d'arriver en Formule régionale le temps d'un week-end. Donc il l'a relevé à la perfection. Et voilà, c'était quelque chose d'historique dans un Grand Prix comme Macao qui, on le souhaite en tout cas, va le lancer d'autant plus. Et puis, le deuxième événement la semaine suivante, c'est Dorian Pain qui remporte le qui, devinez quoi, est passé ici même, à ma place d'ailleurs. Voilà. Donc à voir bientôt. Et que vous verrez beaucoup plus tôt, puisque ce sera le 25 décembre. Voilà. Joyeux Noël en avance, un beau cadeau pour vous, nos internautes. Une interview croisée donc, entre Dorian Pain et Lisa Billard qui sera sur la grille l'année prochaine. Sa successrice. Voilà. Et Lisa qui s'est aussi, vous le verrez dans l'émission, qui s'est aussi levée pour regarder la finale. Tout à fait. On était nombreux à se lever. Je pense que c'était à 1h du matin, la fameuse course. Dorian Pain, donc, qui remporte le titre de F1 Academy à Vegas après la course 1. Mayaoui qui avait fait une grosse erreur. Elle n'en avait pas fait de la saison. Et là, pour le coup, dès le tour de formation. Alors, c'est Mayaoui qui fait une erreur ou c'est Tina Ousmane qui fait une erreur? Pour moi, Mayaoui est trop impatiente. Même si Tina, effectivement, est un peu. Elle ne conduit pas forcément de la meilleure des manières dans ce tour de formation, mais je pense que Mayaoui est un peu impatiente sur le coup de la dépasser. En l'occurrence, Dorian, elle a fait par contre la course parfaite. Elle nous l'expliquait justement au sortir de ce week-end, comme quoi il pleuvait sur la grille, elle n'avait pas fait le bon choix de pneus, elle a changé au dernier moment, elle a réussi quand même à gagner la course alors qu'elle partait cinquième. Bref, ça a été quand même beaucoup de rebondissements. Ça a récompensé une saison encore une fois marquée par de nombreuses victoires pour elle dans sa deuxième saison de F1 Academy. Et donc encore une fois, un titre français. On est ravis de pouvoir en parler dans cette émission de beaucoup de victoires et beaucoup de titres tricolores. Exactement, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça a encore été une année faste pour le sport automobile français, comme on a pu le voir d'ailleurs lors de la cérémonie, les volants d'or, les trophées du sport automobile organisé par la FFSA. Voilà, donc c'était l'occasion de revenir sur cette saison 2025, et maintenant on va se projeter vers 2026, et messieurs, je suis désolé, je vais vous demander de quitter ce magnifique canapé, mais sans oublier de vous remercier pour cette première saison de l'émission, d'une certaine manière, parce que c'est la dernière émission standard de l'année, mais rassurez-vous, il y en aura encore quelques-unes d'ici le 31 décembre. Merci Valentin, merci Mathieu. Merci à toi. Merci Michael, et merci à tout le monde. Oui, de merci nous à suivre, vous. Hein. Vous avez été au rendez-vous, ça nous fait vraiment très plaisir. Et vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça nous fait vraiment plaisir. Et on va retrouver Cyprien Jouard pour parler du Dakar 2026, parce que ça aussi, ça arrive très très vite. Et avant ça, on vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Évidemment. Pour évoquer le Dakar 2026, j'ai le plaisir d'accueillir Cyprien Juillard. Comment ça va, Cyprien ? Ça va super, et toi, Michael ? Ça va très bien, et ça me fait plaisir que tu sois là, parce que vous le savez, en 2025, on a eu la chance, et j'ai eu la chance, de vous faire vivre le Dakar avec Roule sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo. Et bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on remet le couvert avec Roule, mais cette fois-ci avec Cyprien. Comment on sent, avant d'évoquer maintenant, évidemment, les forces en présence de ce Dakar, comment on sent à quelques instants du grand départ ? Ben on a hâte tout simplement. Je pense que faire le Dakar, c'est un rêve pour tout passionné de sport automobile. Donc on a cette chance là en tant que journaliste pour Auto Hebdo de pouvoir le couvrir en partenariat avec Roul, comme tu l'as dit. Donc non, ça va être une très belle aventure et j'ai vraiment hâte d'être en Arabie Saoudite. Et on va voir évidemment ce que ça va donner sportivement, mais à mon avis on risque d'être sur une très très belle édition, à commencer par Dacia, si on fait un petit peu le tour comme ça des forces en présence. Dacia qui n'a pas gagné le Dakar l'an dernier, mais c'était leur première participation, qui depuis a remporté le rallye du Maroc avec Sébastien Loeb, a failli devenir champion du monde avec Nasser Al-Attiyah. Ils arrivent quand même avec un sacré contingent chez Dacia. Ils arrivent avec un sacré contingent. Je sais que le terme contingent, tu l'adores, Michael, en ce moment. Je l'aime beaucoup, j'avoue que c'est pas mal. Mais en effet, il y a un vrai contingent chez Dacia. On a trois prétendants à la victoire au Dakar, puisqu'on a les noms que tu as évoqués. Sébastien Loeb qui a gagné le rallye du Maroc, qui est la grande répétition chaque année avant le Dakar. Dernière manche du championnat du monde. Et sur cette dernière manche du championnat, on a Nasser Al-Attiyah qui est passé tout proche du titre, qu'il a perdu, on se souvient des conditions. Sur une pénalité d'une heure, voilà. Voilà, une pénalité ajoutée après l'arrivée parce qu'il ne s'est pas arrêté à un contrôle. Mais ça veut quand même dire que Nasser Al-Attiyah, toute l'année, a été en mesure de se battre pour ce championnat. Donc, en effet, c'est un des meilleurs du monde. Mais bon, ça, on n'en doutait pas. Oui, ça, on le savait, hein, effectivement, on s'en doutait un petit peu. Voilà, oui. Quand on a gagné 5 fois le Dakar, finalement. C'est bon, on n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais, évidemment. Sébastien Loeb, lui, il n'a jamais gagné, mais évidemment, il sera un des favoris, puisqu'on a parlé du rallye du Maroc. Mais même ces dernières années, globalement, on a senti un pilote qui montait en puissance, qui est devenu un vrai pilote de rallye raid. Donc, Sébastien Loeb, ce sera peut-être enfin son année, finalement. Il est passé proche à plusieurs reprises. Il a aussi eu quelques déboires sur le Dakar, des abandons, des disqualifications aussi récemment. Donc là, je pense que c'est l'année où il est le plus préparé, finalement, le mieux préparé, et où il a les meilleures armes pour viser la victoire. Et tu l'as dit aussi, l'an dernier, Dacia, c'était leur première année. Ils ont progressé toute l'année sur leur Sunrider, ils l'ont fait bien évoluer, et aujourd'hui, c'est un des protos de référence, si ce n'est le proto de référence. Donc, évidemment, du côté de Dacia, on a de grandes ambitions, et aussi, on a Lucas Moraes, qui est le champion du monde en titre. Donc, Lucas Moraes qui débarque de Toyota et qui va aussi jouer sa carte et espérer gagner le Dakar. Lucas Moraes, seul petit bémol à lui trouver, je trouve, c'est son manque de régularité des fois sur le Dakar, sur deux semaines. Il a fini troisième en 2023 pour sa première participation en plus en Ultimate. Par contre, les deux éditions suivantes ont été un peu plus compliquées, il n'a jamais été en mesure de gagner. Est-ce qu'il le sera avec Dacia ? Je pense que quand on vient de gagner un titre aussi, ça peut donner des ailes. C'est ça, ça peut quand même très très bien fonctionner. On salue aussi Christina Gutiérrez qui sera de nouveau présente avec la quatrième Dacia Sunrider cette fois-ci. Elle est quand même, avec Pablo Moreno, son copilote, ils ont eu un petit peu le rôle d'ange gardien sur l'édition 2025, et c'est un petit peu le rôle qu'ils essayent d'avoir toujours, c'est cette capacité justement à pouvoir aider quand les problèmes arrivent sur les équipages de pointe. Mais Christina Gutiérrez, il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle peut quand même aller faire des sacrés chronos aussi. Ouais. Elle qui s'était imposée il y a quelques années en Challenger, non, il y a toujours moyen. Hein. Puis elle progresse bien en Ultimate. Je trouve que par rapport à sa première participation avec Dacia au Dakar, enfin toute la saison, ça a été de mieux en mieux. Au Maroc, c'était franchement pas mal en termes de rythme. Donc toujours se méfier, parce qu'on sait aussi que le Dakar, c'est... Il n'y a pas que la vitesse pure en fait, qui compte, il y a aussi une part de chance, une part de réussite. Il ne faut pas tomber dans les pièges. Et Christina Gutiérrez, qui sait, si les trois autres Dacia abandonnent dès le premier jour, on ne leur souhaite pas évidemment. Ah, ce serait terrible. Ce serait assez terrible en effet pour le constructeur franco-roumain, mais Christina Gutiérrez, elle peut avoir sa chance. Et ce serait bien de voir une femme briller au Dakar. Exactement, ça fait quelques années, hein, bien sûr, que ça n'est pas arrivé. On salue notamment Jutta Kleinschmidt, qui était la première femme à remporter le Dakar en 2001. Je vous propose, grâce à l'ami Dominique Dricot, qui est allé à la rencontre de Fabien Lurquin, le copilote de Nasser Al-Attiyah, et bien de découvrir tout simplement les impressions du Belge à l'aube de ce Dakar 2026. On a bien bossé, on se sent plutôt prêt à en découdre, donc non, pas stressé, concentré. La différence entre Sébastien Loeb et Nasser Al-Attiyah, c'est quoi? Nasser a déjà gagné, il a plus d'expérience là-dedans que Seb, donc double avantage à Nasser, je dirais. Ce qui veut dire que vous devrez gagner le Dakar 2026. Non, ça veut dire que petit avantage à Nasser, ça joue vraiment un peu de choses. Seb est vraiment très très bon et commence à avoir vraiment pas mal d'expérience ici sur le Dakar et sur le Rally Raid. Et surtout, vu qu'il n'a pas encore gagné, une très très grosse envie. Donc il y a vraiment très peu de choses entre l'un et l'autre. Et même si je ne suis pas la même voiture, je souhaite à Seb de gagner tout en étant que j'espère gagner aussi. Donc c'est un peu ambivalent. Mais voilà, ce sera un peu que le meilleur gagne. Dans les favoris, impossible évidemment de ne pas citer Toyota, hein, l'équipe championne du monde en titre avec le pilote champion du monde en titre chez eux, mais qui n'est plus chez eux maintenant, Lucas Moraes, on venait de l'évoquer effectivement. Toyota arrive encore une fois avec pas mal de monde et pas mal de cartes avec également l'équipe Overdrive évidemment de Jean-Marc Fortin, mais avec un tout nouveau proto. Et ça, sur le Dakar, c'est parfois un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué, en effet, d'avoir un nouveau proto. On l'a vu les années précédentes avec Ford, avec Dacia. C'est un peu quitte au double. Souvent, un nouveau proto, ça a aussi besoin d'être un peu étrenné en compétition, de prendre le temps de le développer, que les pilotes aient un feedback à faire, finalement. Alors, évidemment, ils l'ont testé, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais ils n'ont pas encore fait la course avec. Et on sait que c'est toujours différent entre un test et faire la course. Ce sont deux choses diamétralement opposées. Pour reprendre ton expression favorite, Michael, il y a un beau contingent chez Toyota, mais un si beau contingent qu'on pourrait même parler d'armada. Mmh. Les Toyota, ces dernières années, ça a toujours été de façon les plus nombreuses. Elles arrivent en nombre grâce à Overdrive, en effet. Il y a pas mal de monde, il y a beaucoup de jeunes, notamment. Moi, je trouve qu'il y a des jeunes très prometteurs chez Toyota sur qui il faut garder un œil. Je pense à l'Américain Seth Quintero, qui est très très fort, qui a 22 ans, qui est un des tout meilleurs du monde, hein, malgré son jeune âge. Il a gagné à 19 ans 12 étapes sur une édition du Dakar en Challenger, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc, pourquoi pas Seth Quintero sur le podium final, même s'il faudra aussi, surtout, regarder du côté d'Enklatogan. Enklatogan qui a terminé deuxième l'an passé. Mmh. Exactement, deuxième l'an passé et troisième du championnat. Donc, parfois, on a des pilotes qui font un peu des one-shots, c'est-à-dire ils ont un très bon résultat sur le Dakar et puis le reste de la saison est moins bon. Enklatogan, il a quand même été régulier tout au long de l'année. Il a gagné le Safari Rally chez lui en Afrique du Sud. Pardon. Et je pense qu'il aura... En tout cas, il incarnera la meilleure opportunité de Toyota de gagner ce Dakar. Maintenant, c'est aussi un pilote qui est encore jeune, entre guillemets, à ce niveau de compétition. Est-ce qu'il pourra reproduire ça sur deux semaines, tenir bon tout un Dakar ? Bon, ça reste à voir, il y a quand même une petite inconnue. C'est au milieu de toute cette armada de Toyota, finalement, ce qui manque, je trouve, c'est un vrai pilote de référence. Il l'avait avec Lucas Moraes, qui est devenu champion du monde, tu le disais. Il l'avait avancé avec Nasser Al-Attiyah. Force est de constater qu'ils ont perdu les deux, donc maintenant il y a aussi une place à prendre, celle de leader de ce projet Toyota, avec en plus le nouveau proto dont tu parlais. Donc à voir qui va l'incarner, si ce sera Enklatogan, si ce sera Seth Quintero, si ce sera un autre, si ce sera peut-être Ferreira aussi, le jeune portugais qui est très très prometteur. Donc voilà, beaucoup de place à prendre, et puis ils ont le vainqueur sortant aussi. Mais oui, Yazid Al-Raji, vainqueur du Dakar chez lui en Arabie Saoudite, blessé ensuite avec Timo Gottschall, qui se sont tous les deux blessés malheureusement lors d'une bara en Jordanie, assez sérieusement aux vertèbres notamment, et ils ont mis du temps à revenir, ils ont pris soin évidemment de revenir en forme. Les deux rallyes qu'ils ont effectués en championnat du monde en fin d'année n'étaient pas flamboyants. Mais on sait aussi qu'Yazid Al-Raji, le Dakar c'est son objectif, c'est son moment. Le reste, c'est toujours très important, mais... Un peu moins. Voilà, mais voilà, il se dit quand même, bon, le Dakar à la maison, c'est un coup important. Et puis quand on voit ce que ça avait donné, effectivement, en 2025, il aimerait, bien sûr, pouvoir reproduire ça. Je vous propose d'écouter encore une fois au micro de Dominique Dricot, Jean-Marc Fortin, tout simplement le patron de l'équipe Overdrive, et donc l'homme qui mène un petit peu cette Toyota sur le Dakar. Quand vous fabriquez une voiture en 6 mois, ben, il faut passer par des priorités. Les priorités, c'est de tester la voiture en septembre et en octobre, et après de valider évidemment des choses. Donc la construction des voitures que vous voyez ici, ça s'est fait en début décembre, on est prêt parce que le motorsport a une faculté incroyable, c'est toujours de retourner le sablier, qu'au dernier moment ça soit comme ça, mais c'est sûr que beaucoup de pessimistes il y a 3 semaines disaient que jamais on allait y arriver. Voilà, c'est ce qui fait la beauté aussi d'une équipe, c'est qu'elle soit soudée, qu'elle soit justement dans l'effort, solidaire. Et ça fait toujours plaisir de voir des mecs qui, la veille de Noël, sont toujours là en train de bosser jusqu'au dernier moment. Concrètement, elles partent quand ? Elles partent ce soir, donc ce qui est logique parce que l'année passée, les années avant, au contraire, on voit toujours des voitures par avion. Aux alentours des fêtes, donc c'est du schéma classique pour nous. Ouais. C'est quand même pas le contexte idéal pour attaquer un rallye raid aussi difficile que le Dakar. Écoutez, on a fait des bons essais, on a fait un kilométrage tout à fait acceptable au niveau de la validité des pièces et de la fiabilité. les voitures sont montées d'une manière assez classique, comme on sait le faire depuis X temps. On a amélioré la voiture, on n'a pas réinventé non plus complètement une voiture nouvelle. Donc voilà, oui, on peut être surpris comme vous l'êtes aujourd'hui quand vous venez chez nous. On l'est un peu moins, on est quand même dans un schéma de sérénité. Après, ça reste du motorsport, on ne sait jamais dire ce qui peut se passer pendant 15 jours. Mais la fiabilité, c'est quelque chose qui nous a fait toujours gagner dans les années précédentes. Voilà, c'est du schéma, comme je l'ai dit, classique. On ne peut pas ne pas évoquer évidemment le troisième grand constructeur présent sur ce Dakar, Ford, là aussi avec plusieurs Raptors, avec notamment un certain Carlos Sainz, quadruple vainqueur du Dakar, et aussi Mathias Ekström, troisième quand même de l'édition 2025 avec ce Ford Raptor, qui lui aussi a bien évolué sur l'année 2025. Ah, ils sont si véloces ces Raptors. Et si vous avez aimé cette vanne, il y en aura beaucoup beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux de Top Hebdo avec Roule pendant tout le Dakar, je l'espère en tout cas, parce que sinon je serais déçu. Non bah là je suis désolé, je sais pas ce qui m'a appris, non mais par contre, ils sont véloces pour le coup, en tout cas ils ont des pilotes qui le sont. C'est sûr. Tu parlais de Carlos Sainz, quadruple vainqueur du Dakar, qui arrive à 63 ans avec encore la forme, l'énergie et le rythme d'un candidat à la victoire. Maintenant, la question, en effet, c'est le niveau du Raptor. Voilà. La première édition, l'an dernier, avait été bonne par certains aspects, moins par d'autres. Ils avaient identifié pas mal de choses à modifier. Voilà. Et ils les ont modifiées. Ils ont progressé aussi cette année, mais ça a été plutôt une année de développement. Il n'y a pas eu de résultat très très probant pour Carlos Sainz ou globalement pour tout le Team Ford. Donc, bon, la question c'est maintenant dans quelles conditions de préparation, en tout cas technique, ils arrivent sur le Dakar. Les pilotes, ils les ont. On a parlé de Carlos Sainz, on a Mathias Ekström qui fait 3e l'an dernier quand même hein, avec ce Raptor. Bon, certes aidé aussi par des abandons, des pénalités, des choses devant lui, mais il fallait être là, il l'a été. Je trouve que ces deux pilotes-là vont bien mener Ford, à mon avis, et s'ils ont la voiture pour, ils peuvent tout à fait jouer la victoire finale. Mathias Ekström, c'est quand même un double champion de DTM, qui a gagné dans pas mal d'autres catégories, en rallycross notamment. Il sait s'adapter à différentes voitures, à différents terrains. Je pense qu'il peut faire une belle surprise. Sainz, on en a parlé. Il y a aussi la petite surprise du Dakar 2025, qui est Mitch Guthrie, l'Américain, qui a terminé 5e, qu'on n'attendait absolument pas à ce niveau-là, et qui a gagné sa place donc, dans l'équipe officielle. Donc un Américain qui représente Ford, ça fait quand même... Ça marche toujours. Ça marche toujours. Voilà, on sait qu'ils sont très attachés à ça, les Américains. Il faudra les surveiller, voilà, on l'a dit. Seule incertitude, le niveau du Raptor. Le reste, ils ont des très très bons pilotes, des très bons équipages globalement, donc à surveiller de très près. Et en plus des Ford Raptor officiels, on aura aussi Romain Dumas et Jordan Sardellis qui seront engagés sur des Raptors privés. C'est important de voir que Ford s'implique également via cet engagement-là, parce que ça fait toujours des cartes en plus. On sait que Romain Dumas nous l'a dit d'ailleurs, hein, le niveau de préparation fait qu'il ne s'attend pas à jouer les premiers rôles, mais s'il y a toujours un besoin, un peu dans le même rôle que Christian Gutiérrez a pu avoir chez Dacia ou que la moitié des pilotes de peuvent avoir sur l'autre moitié, c'est voilà, l'idée de dire, ben, des fois, on a besoin en spécial d'une aide, de quoi que ce soit, et ben, ils pourront compter là-dessus. Alors évidemment, ils vont faire leur course, ce sont des privés. Mais on sait que quand on a l'ovale bleu sur sa voiture, en général, on va quand même aider les autres. Ce serait malvenu de ne pas le faire, en tout cas. On aura aussi Mini, mon cher Cyprien, qui sera présent. Alors, c'est plus la Mini qui gagnait hein, le Dakar il y a quelques années maintenant. X-Raid a un petit peu réduit la voilure, mais il a encore pas mal de bonnes choses. Bah, il y a des bonnes choses, et puis un bel équipage, surtout chez Mini. L'équipage leader, c'est quand même Guillaume Demévius et Mathieu Baumel. Guillaume Demévius, c'était la vraie révélation du Dakar 2024, du coup, où il termine 2e derrière Carlos Sainz. À l'époque, il était chez Toyota, donc pas le même proto, non plus pas la même machine entre les mains. La machine globalement qui domine le Dakar, qui est toujours en tout cas en lice pour la victoire. Ce ne sera pas le cas de la Mini, et on a vu que depuis qu'il est passé chez Mini, un peu à la surprise générale l'année dernière, du coup, pour le Dakar 2025, ça a été plus compliqué. Il a eu beaucoup d'ennuis différents sur le Dakar. Les courses d'après n'ont pas été très très bonnes non plus, en tout cas il n'y a plus de podium. Il faut aussi noter qu'il avait été privé de son copilote, Mathieu Baumel, qui a eu un accident, on en reparlera juste après de Mathieu Baumel. Mais voilà, Guillaume Demévius, on sait de quoi il est capable. Il est encore un peu irrégulier. On attend de voir s'il est capable de le refaire. C'est toujours pareil, en fonction de ce qui se passe devant, Mini peut avoir une carte à jouer et ce sera évidemment lui la meilleure carte. Et c'est vrai que ce retour de Mathieu Baumel, c'est un petit peu la belle histoire aussi de ce Dakar, et parce qu'il n'y a pas que la compétition, il y a des belles histoires aussi, mais ils vont faire la compétition, ils vont mêler les deux, Mathieu Baumel et Guillaume Demévius. On rappelle, fin janvier, grave accident alors qu'il portait secours à des participants du Monte Carlo historique. Il a depuis été amputé d'une jambe, Mathieu Baumel, et il a tout de suite dit « Je veux faire le Dakar en 2026 avec Guillaume de Bébus ». Et il va réussir son pari. C'était un pari complètement fou à l'époque. Personne n'y croyait vraiment. Enfin, en tout cas, ça semblait compliqué d'imaginer en effet un homme qui venait de se faire amputer, qui avait eu un grave accident, qui a passé de longs mois à l'hôpital, puis en rééducation. De le voir au départ du Dakar 2026, on se disait, mais ça va être trop court. Et bien, il y sera. Et il a réussi son pari. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de lui parler il y a quelques jours pour une interview qui apparaît dans le magazine de cette semaine, dans le Auto Hebdo. Il dit clairement, être au départ du Dakar, c'est une victoire personnelle. Voilà. Il explique bien que s'il est aussi là, c'était grâce au soutien de ses proches, de sa famille, mais aussi grâce au soutien d'X-Red, son équipe, et de Guillaume de Mévius, son pilote, qui est venu le voir à l'hôpital dès les premiers jours, qui a été très présent dans tout ce processus de rééducation et qui a tout de suite dit qu'il ferait le Dakar avec Mathieu Baumel. Il n'était pas question d'avoir un autre copilote. Et évidemment, je pense que de se sentir comme ça, soutenu, pas abandonné dans ces moments qui sont quand même très compliqués humainement à vivre, ça a beaucoup aidé Mathieu Baumel, ça lui a donné du baume au cœur. Et aujourd'hui, en effet, il va réussir son pari, et puis on sait que Mathieu Baumel, c'est peut-être le meilleur navigateur du monde, ou en tout cas un des tout meilleurs, donc l'avoir à ses côtés pour Game de Mévius, c'est une vraie chance, un vrai avantage. Et alors, imaginons que par un concours de circonstances, il puisse jouer le podium ou la victoire, ce serait absolument génial. Lui, il m'a dit... Objectif top 5, et 2027, on aura des objectifs plus élevés. En belles histoires aussi, et françaises en plus, mesdames, messieurs, Bruno Sabi qui est de retour 19 ans après sa participation avec une Fiat Panda. Alors là, ça va pas être la même chose. Hein. Là, il va être dans un buggy en catégorie T3. Mais c'est merveilleux de voir que Bruno Sabi, 70 printemps, bien passé désormais, mais toujours bon pied bon oeil. Et ça fait plaisir de le revoir sur les routes du Dakar. Le virus du désert ne s'oublie jamais. Non, en effet, ce virus, c'est aussi une expression que j'aime bien parce que je trouve que ça représente assez bien ce qui touche ces pilotes qui reviennent après plusieurs années. On a Romain Dumas, même s'il était parti depuis moins longtemps. Stéphane Peterhansel, qu'on évoquera plus tard. Et Bruno Sabi, évidemment, quelle belle histoire, 19 ans après. Enfin, personne ne s'attendait à le revoir... au Dakar. Donc en effet, ce sera dans un buggy, pas de question de jouer à victoire finale, puis de toute façon à 70 ans c'est peut-être un peu compliqué aussi, mais en effet il est toujours mordu de Rally Raid et on a hâte de le revoir à l'œuvre. Et c'est une très très belle histoire pour nous les Français. Ouais, ça fait plaisir clairement de revoir d'avoir Bruno Sabi, ancien vainqueur du Dakar aussi, bien entendu, et un autre ancien vainqueur mais qui lui par contre a collectionné les bouquets et les trophées de vainqueur du Dakar, c'est Stéphane Peterhansel qui revient mais qui ne va pas jouer la victoire finale puisque lui il sera en catégorie stock avec Defender qui fait ses débuts en tant qu'équipe officielle sur le Dakar. Cette catégorie stock, portée comme ça par un Stéphane Peterhansel de retour, on a peut-être un petit peu l'avenir du Dakar devant nous, même si les T1+, les Ultimates sont là pour rester, mais cette catégorie stock avec des voitures dérivées de série, ça peut être pas mal quand même. Justement, comme tu l'as dit, c'est des véhicules de série dérivés, donc ça représente un faible budget finalement pour ceux qui veulent s'engager. Et pour les constructeurs, c'est super avantageux parce que c'est une vitrine géniale. En fait, vous avez un véhicule de série qui est capable de gagner le Dakar dans sa catégorie. Enfin, vous imaginez la promo, ça veut dire que votre véhicule est robuste, qu'il est performant, qu'il est fiable. Bon, même si évidemment, il y a quelques petites évolutions hein, par-ci, par-là pour... le rendre quand même adapté au désert saoudien et au piège du désert. Mais je pense que c'est une catégorie qui a un bel avenir. Je pense que c'est bien que le Dakar développe cette catégorie, qu'ils essaient de la mettre en avant et que Defender surtout s'engage, puisque Defender, qui est une marque du groupe Land Rover, arrive avec des ambitions, arrive en voulant rivaliser avec les Toyota qui jusque-là étaient un peu seuls dans cette catégorie stock, qui avaient peu d'intérêt finalement sportif en tout cas. Et là, avoir en plus un visage comme Stéphane Peterhansel, qui est Monsieur Dakar, qui a gagné 14 fois, bon, bah c'est génial. Et nous, on est aussi très heureux, à titre personnel, de le revoir sur le Dakar, puisqu'on ne savait pas s'il reviendrait après sa dernière participation début 2024 avec Audi. Bon, il s'était arrêté là-dessus et on savait... On n'a pu le comprendre, hein. Et on ne savait pas, effectivement, mais il est de retour. Il avait besoin, peut-être, de cette année un petit peu à part, où il a dit « Ok, je ne fais pas le Dakar ». On a vu encore une fois, on revient au virus, ça a dû le piquer, il a dit non, je vais me relancer dans un projet, et le projet Defender est, ma foi, fort intéressant. Merci Cyprien d'avoir évoqué ce Dakar. On rappelle qu'on va donc te suivre à partir du 1er janvier sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo et sur les réseaux sociaux de Roule également. On est ravis de suivre tout ça, on a hâte, et de voir un petit peu ce que tu vas nous ramener, et comment ça va se passer, comment cette première expérience du Dakar va se passer pour toi. Ah ben écoute, j'ai complètement hâte d'y être, complètement hâte de faire vivre ça à distance aux gens aussi via nos réseaux sociaux avec ce partenariat avec Roule. Donc ce sera une très belle aventure, je vais en profiter pleinement et vous faire des belles vidéos sur nos réseaux. Et pour terminer cette émission, je vous l'ai promis tout à l'heure, on va retrouver un petit extrait de l'interview d'Éric Camilli par notre confrère Pierre Barré. Ce sera à retrouver en version complète sur YouTube dans les jours à venir. Éric Camilli qui va donc participer avec Skoda en WRC2 en 2026. Parlons maintenant de l'avenir, Éric, parce que la grosse information justement de cette fin d'année, c'est ton retour en championnat du monde des rallyes. Alors c'est vrai qu'on va pas se mentir, Éric, beaucoup avaient mis ça de côté, s'étaient dit, bon ben voilà, Éric Camilli, sa carrière à l'international, elle est terminée, tant mieux pour le rallye français, il est de retour dans nos contrées, et tu vas bel et bien redisputer un championnat du monde l'année prochaine. Tu seras en WRC2 sous la structure Orsac avec une Skoda Fabia RS Rallye 2. Changement d'environnement, changement total de décor. Déjà, avant de parler de la voiture, avant de parler de tout ça, j'aimerais que tu me dises bah, tout simplement ce que tu ressens de repouvoir, enfin de pouvoir de nouveau en tout cas regoûter à un championnat du monde. Ah, c'est fantastique, c'est vrai que ça a fait tellement longtemps que j'attends ça. Ça doit faire 2021. 2022, pardon, 2022, ou après le Monte Carlo, je crois qu'on a quitté le championnat du monde. Et depuis, non pas que j'aime pas le championnat de France, c'est un championnat qui est fabuleux, des épreuves sont fabuleuses, il y en a 9, c'est beaucoup, le niveau, je t'en parle pas, il est super relevé. Donc, mais c'est vrai que le championnat du monde, bah, on aime toujours essayer d'aller le plus haut possible. Et donc, entre un championnat national et un monde, bah, tu as toujours tendance à vouloir regrimper, on va dire. Et c'est vrai que j'aime ce championnat parce que je l'ai parcouru pendant de 2015 à 2021, pendant 6 ans, WRC 1 et 2. Et c'est un championnat que j'adore. Les épreuves sont fantastiques, l'aura du championnat, enfin voilà, l'image, la médiatisation, tout est plus. Et c'est vrai que voilà, c'est le championnat du monde, quoi. Donc, puis tu as aussi cette conduite un peu instinctive avec des changements de grippe sur les rallyes asphalte, avec des rallyes terre. J'ai hâte de redécouvrir la terre parce que c'était vraiment mon élément il y a quelques années, là où je me régalais le plus. Donc, tout ça, en plus, dans une fabuleuse Skoda Rallye 2, la dernière Skoda RS Rallye 2, c'est fantastique. Donc ça, c'est fabuleux. Merci Pierre et merci Eric Camilli. On rappelle l'interview complète à retrouver sur notre chaîne YouTube dans les jours à venir. Auto Hebdo est disponible évidemment à partir de 20h ce lundi et mercredi en kiosque. C'est le dernier de l'année consacré à l'argent dans les sports mécaniques. Un long dossier qui vous parle certes de combien d'argent ça brasse d'une certaine manière, mais aussi combien ça coûte de s'engager en sport automobile, d'aller voir des compétitions, de débuter en sport automobile. On espère en tout cas que ça va vous plaire et ce sera disponible sur toutes les deux dernières semaines de l'année. Puisqu'Auto Hebdo reviendra en kiosque le 7 janvier prochain, mais on va pas du tout faire de pause. Non, cher Cyprien, pas de pause pour nous. Et puis en plus, petit mot sur le numéro argent dont tu parlais, c'est qu'il y a aussi évidemment 10 pages de guide Dakar quand même. Exactement, donc là voilà, vous aurez tout ce qu'il faut entre la vidéo qu'on a fait là et le guide Auto Hebdo, vous aurez absolument tout ce qu'il faut pour être un mordu du Dakar à partir du 3 janvier, départ de cette édition du Dakar. Et comme je vous le disais, c'est pas la pause pour nous quand même, parce que certes, l'émission revient en format lundi le 5 janvier, mais d'ici là, on se retrouve tout simplement jeudi, le jour de Noël, le 25 décembre, pour une émission spéciale avec Dorian Pain et Lisa Billard. Et surtout, vous retrouverez Cyprien avec Mathieu Chambenois, non pas lundi, mais mercredi prochain, le 31 décembre, pour notre top 50 des pilotes. Ça risque de faire jaser, hein. Oui, ça fait toujours discuter, mais écoute, nous, on trouve ça assez cohérent, notre top 50 des pilotes de l'année. Et quel meilleur jour que le dernier de l'année, finalement, pour le partager aux gens. C'est ça, là, vous aurez vraiment le moment où on terminera 2025, et puis on se retrouvera le 5 janvier pour commencer 2026 avec déjà les premiers échos du Dakar avec Cyprien, notamment. Merci beaucoup de nous avoir suivis cette année. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission. Ça n'est que le début, et on espère, en tout cas, que ça continue de vous plaire. Merci beaucoup. Passez de très bonnes fêtes, et à bientôt.